famille, tant de temps à venir. Je t'attendais depuis longtemps, je t'attendais le cœur battant, croquevillé de souvenirs. T'as mis tant de temps à venir, je t'attendais depuis toujours, désespérant au fil des jours qu'un jour on pu nous réunir. Je t'attendais le cœur trop gros, trop plein de tendresse et de mots, doux comme pétales de rose et de rêve à réalité. Comme du printemps à l'été, il n'est souvent que peu de choses. T'as mis tant de temps à venir, je t'attendais depuis longtemps. Toi l'objet de tous mes désirs, de mes rêves d'adolescent. T'as mis tant de temps à venir, je t'attendais depuis toujours. Dieu, que de vie sans avenir et que de matin sans amour. Je t'attendais le cœur perdu, oh toi ma princesse inconnue, oh mon inaccessible étoile. Et que le chemin semble long quand sur la ligne d'horizon n'apparaît jamais une voile. T'as mis tant de temps à venir, je t'attendais depuis longtemps, je t'attendais le cœur battant, croquevillé de souvenirs. T'as mis tant de temps à venir, je t'attendais depuis toujours, désespérant au fil des jours, qu'un jour on pu nous réunir. Comme un matin qu'on n'attend plus, après la longue nuit des pauvres.